Exercice 6, page 92. A. Il monte au-dessus. B. Il compte aussi. C. Ils font grossir. D. Ils vont au-dessous. E. Ils sont autour. F. Ils ont osé.